Ces jours-ci, les États-Unis ont établi une nouvelle loi vicieuse sur les sanctions cruelles visant à étouffer notre République. À ce propos, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a répondu le 3 août aux questions posées par l'Agence télégraphique centrale de Corée. En voici le résumé. Le 2 courant, le président américain Trump a signé le projet de loi de riposte contre les pays hostiles des États-Unis à travers des sanctions. Ainsi, les sanctions supplémentaires américaines contre la République populaire démocratique de Corée, la Russie et l'Iran ont été adoptées formellement. C'est un acte criminel visant à s'opposer intégralement à la charte de l'ONU et au droit international pour appliquer la loi nationale des États-Unis dans les relations internationales. La démarche téméraire des législateurs américains montre qu'ils n'ont pas encore compris la réalité de notre République qui a fabriqué les bombes atomiques et à hydrogène et même la fusée balistique intercontinentale malgré les sanctions cruelles de plus d'un demi-siècle ainsi que son secret. Comme ils sont lamentables. La fanfaronnade belliqueuse des Américains et leurs menaces de sanctions extrêmes contre notre État ne nous font que redoubler de la vigilance et justifient la raison de notre détention d'armes nucléaires. Les politiciens américains croient supprimer à l'aide des sanctions le potentiel national et le statut stratégique de notre République considérablement élevé, ce qui fait l'objet de dérision même à l'intérieur de leur pays. Et les pays qui s'associent au tapage de sanctions des États-Unis qui ne justifient que la raison de nos mesures de sophistication des forces nucléaires au lieu de le condamner, n'attisent que l'aggravation de la situation dans la péninsule coréenne. Il sera mieux pour les États-Unis de réfléchir à sécuriser leur propre territoire au lieu de gaspiller leurs forces pour les sanctions inutiles contre la Corée.